Allez, fesse-toi, mon Dieu. Justice et belle queue qui n'ont point la mais haute. Sans pas de notre pour Dieu, la vanille corrige leur faute. Subjugue ta drôlesse, garotte lui ses gaines. Ton estafier ne cesse de lui fourrer l'abdomen.